Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Avez-vous déjà tenté de copier le tableau d'un grand maître? Pendant une période de vacances, pendant un confinement, vous ressortez vos tubes et vos pinceaux pour reproduire, je ne sais pas quoi, la Joconde. Vous appliquez sur le visage des touches précises, voilà, les cheveux, les mains. Vous vous acharnez sur la forme des lèvres, ah, ce sourire. Puis, pour juger du résultat, vous vous adressez à un expert reconnu ou, si vous n'en avez pas sous la main, à votre mère, à votre épouse, à votre mari. Ils vous diront « Oui, c'est la Joconde, mais bon, c'est pas la vraie ». Alors, mieux que simple copiste, vous pouvez devenir faussaire. Il ne s'agit plus de copier, mais d'inventer un tableau dans le style du maître. Choisissez un beau modèle. Tenez, votre belle-mère que vous représentez dans le style de Vermeer. Il y a peu de chances que l'on vous dise que votre œuvre ne ressemble à rien. Au pire, on vous dira que vous maîtrisez la touche, la couleur, l'originalité et la vivacité de Picasso. Jean-Louis Gaillemin, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'un faussaire ? Qu'est-ce qu'un faussaire ? Un faussaire, c'est un copieur, comme vous disiez, mais qui ne veut pas avouer qu'il est copieur. C'est un copieur qui ne veut pas avouer. Un copieur ou un inventeur, c'est quelqu'un qui ment. Voilà, c'est dans la tête le faussaire. C'est le mot mensonge qui apparaît dès maintenant quand il est question de faussaire, avec une distinction très nette à faire entre celui qui copie une œuvre, copier c'est une chose, et celui qui invente l'œuvre. Dans la démarche du faussaire, nous sommes plutôt dans l'invention d'une œuvre ou alors dans la copie d'une œuvre? Alors de toute façon, il faut que l'œuvre réalisée par le faussaire, c'est-à-dire destinée à valoir beaucoup d'argent alors que c'est lui qui l'a fait relativement vite dans son petit coin, il faut que l'œuvre du faussaire rappelle évidemment l'œuvre de l'artiste. Donc, ou c'est une copie, mais évidemment, si c'est une copie d'une œuvre célèbre, on va pas y croire une seconde. On va éventuellement imaginer que c'est une réplique. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de travailler dans l'esprit du faussaire et donc d'ajouter à une série, par exemple, de tableaux qu'il a réalisés, comme les fameuses forêts de Max Ernst, de réaliser une nouvelle forêt. C'est ce que fera Wolfgang Beltracchi pour séduire le grand expert de Max Ernst, le célèbre Werner Spies, qui a été un moment même directeur du musée d'art moderne au Centre Pompidou. Il y a du mensonge dans le travail du faussaire. Jean-Louis Gaillemin, vous êtes historien de l'art, maître de conférence à l'Université Paris-Sorbonne et auteur de « Trop beau pour être vrai, le faux dans l'art », de la tiare du Louvre aux chaises de Versailles, c'est aux éditions Le Passage. Et justement, dans ce « Trop beau pour être vrai », il y a ce mot « beau » parce que le faussaire est un artiste. Pour être un bon faussaire, il faut être un bon artiste. On doit le préciser dès maintenant. Oui, non seulement il faut être un bon artiste, mais il faut séduire et même décontenancer d'une certaine façon l'expert ou l'amateur. Il faut qu'on dise « je n'en ai jamais vu un comme ça, il est magnifique ». Effectivement, il est magnifique et il en a jamais vu puisqu'il vient de sortir de l'atelier. Donc il y a un côté surprise, un côté étonnement, un côté plus beau que, trop beau, qui fait que le faux va fonctionner. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Charlotte Guichard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, historienne de l'art, auteur notamment de « La griffe du peintre, la valeur de l'art » 1730-1820, publié au Seuil. Et puis vous avez dirigé l'ouvrage de « L'authenticité, une histoire des valeurs de l'art ». Dites-nous, Charlotte Guichard, pour qu'il y ait faussaire, il faut qu'il y ait artiste à copier. Dès lors, il faut qu'il y ait un nom d'artiste. À quel moment se met en place l'artiste en tant que tel, un tableau avec un nom d'auteur précis? Alors, c'est une histoire en fait ancienne. On a dès l'Antiquité, hein, des noms d'artistes, des noms de peintres et de sculpteurs, dès l'Antiquité romaine. Mais le monde de l'art tel qu'il se met en place autour de la figure de l'artiste, avec le nom et ensuite la signature, eh bien, c'est vraiment à partir de la Renaissance, au XVIe siècle, en Europe. Eh bien justement, allons faire un petit tour à la Renaissance en écoutant le spécialiste, celui qui a donné ses lettres de noblesse à l'artiste en tant que tel, Vasari. C'est une très belle œuvre, mais elle n'est pas de Raphaël. Comment ? S'écrie Giulio, Ne sais-je pas ce qu'il en est, moi, qui reconnais mes propres coups de brosse ? Vous croyez les reconnaître, reprit Giorgio, mais vous vous trompez, car ce tableau est de la main d'Andrea del Sarto. Et pour vous le prouver, voici la marque qu'il y mit à Florence pour ne pas les confondre quand ils y étaient tous deux. Là-dessus, le tableau est retourné et Giulio, s'étant assuré du fait, voyant la marque, dit « J'estime ce morceau autant, et même infiniment plus que s'il était de la main de Raphaël. Car il est vraiment extraordinaire qu'un artiste éminent puisse imiter à ce point la manière d'un autre. » Giorgio Vasari qui parle de Raphaël, une lecture de Nathalie Canoui dans le cours de l'histoire. Jean-Louis Gaimin, il y a ici au XVIe siècle cette volonté d'identifier le peintre, la touche. La question se pose dès lors, parce que le peintre est prestigieux, copier le peintre, est-ce un vrai, est-ce un faux ? Oui, bien sûr, il faut dire qu'à l'époque, un peintre qui commence sa carrière, il va entrer dans un atelier. Il va donc imiter le maître. Le thème de l'imitation est fondamental dans l'apprentissage. Et non seulement l'apprentissage du maître, de la manière du maître, mais de l'apprentissage aussi d'un grand modèle qui va intervenir dans l'histoire de l'art, l'Antiquité. L'Antiquité, ces chefs-d'œuvre de sculpture, le monde imaginaire de l'Antiquité va s'imposer comme un modèle. Donc, imitation, à partir du moment où l'imitation va se faire prendre pour un faux, si on s'amuse à un moment, un prince de Médicis dit à Michel-Ange, qui a réussi à faire un très joli petit Cupidon, « Si tu l'enterrais et si tu le ressortais, il aurait beaucoup plus de valeur, puisqu'on pourrait croire qu'il est antique. » Donc vous voyez, on s'amuse, on fait des jokes autour de l'imitation et de la copie, parce qu'à l'époque, ça n'a pas encore une grande importance, parce que justement, le nom de l'artiste ne s'impose pas encore avec assez d'importance et de prestige. Dans cette histoire des faussaires, Charlotte Guichard, il y a l'idée que copier fait partie de la formation pendant longtemps. Donc l'idée même de faux est une notion complexe. L'idée de reproduire à l'identique est essentielle dans l'histoire de l'art. Oui, tout à fait. L'anecdote de Vasari le montre à bien des égards. C'est vraiment une anecdote exemplaire parce qu'en fait, elle montre d'abord qu'en effet, l'imitation, la mimésis est en fait au cœur de la valeur de l'art. Et l'anecdote se conclut avec cette idée que finalement, la copie est supérieure à l'original. Et ça, c'est une conception aujourd'hui qui nous semble presque dépassée, archaïque. Et alors qu'en fait, au moment de la Renaissance, si vous voulez, la copie, l'imitation du maître, c'est vraiment un moment essentiel dans l'apprentissage et dans la formation des artistes. Et ce qu'on voit bien dans cette anecdote, c'est qu'Andrea del Sarto, qui est un élève de Raphaël, maîtrise la manière de peindre de Raphaël. Et à cet égard, on pourrait évoquer le terme contrefaçon aujourd'hui, hein, le terme de contrefaçon, qui vient de l'italien contrafatto et qui à l'origine signifiait reproduire. Dans le terme contrafatto, contrefaire, au XVIe siècle, il n'y a pas d'intention frauduleuse. Et donc vraiment, cette anecdote, et puis toutes les anecdotes d'une manière générale, hein, dans les vies d'artistes que l'on trouve, pas seulement chez Vasari, mais aussi chez Karel von Monder, par exemple, qui a écrit sur les peintres flamands et hollandais, eh bien, on a cet éloge de la copie, puisque c'est elle qui va être à l'origine de la figure de l'artiste. Et donc l'histoire du faux, en fait, elle va être, c'est une nouvelle histoire et elle va vraiment se distinguer de cette histoire ancienne de la copie et qui va durer et qui dure encore d'ailleurs jusqu'à nos jours. La copie est un élément important, hein, dans la formation et dans l'apprentissage. Longtemps, ce qui prédominait d'ailleurs, c'était la logique de l'atelier, où tous les artistes travaillaient ensemble à la manière du maître. Dès lors, Jean-Louis Gaimin, peut-on dire que le faussaire apparaît du moment où il y a cette intention frauduleuse, le faussaire au sens où nous l'entendons aujourd'hui ? Non, je dirais plutôt que le faussaire apparaît au moment où l'artiste devient un personnage génial, où l'artiste prend la place, est un intermédiaire entre le spectateur et l'absolu. L'artiste devient un génie, l'artiste devient un personnage très important, et c'est par son intermédiaire, il va devenir une sorte de relique. C'est lui qui sera le médium avec le sacré, d'une certaine façon, le nouveau sacré, qui est, à partir du début du XIXe siècle, l'esthétique. Le sacré esthétique va prendre la place du sacré religieux dans les mondes occidentaux, et je dirais qu'aujourd'hui, la visite du musée le dimanche après-midi a remplacé la grand-messe du dimanche matin. Eh bien justement, dans Trop beau pour être vrai, vous étudiez des faussaires. Quelles sont leurs motivations ? Leurs motivations sont... Je crois qu'il y a deux motivations. Il y a le plaisir de duper. On va se moquer des gens qui croient tellement savoir de choses qu'on va leur faire on va leur mitonner quelque chose qui va les éblouir, qui va les renverser. Et puis en même temps, ce qui est embêtant, c'est que une fois qu'on a fait ça, ça vaut beaucoup d'argent. Si on le vend pas cher, on avouera son forfait. En revanche, si on le vend à un très très bon prix, et une fois qu'on a commencé à faire des rentrées d'argent inattendues, inhabituelles pour son train de vie, on a envie de continuer. Donc il y a les deux choses, il y a l'attrait de l'argent et l'attrait du plaisir. Quand Beltracchi est interrogé, le faussaire de Max Ernst et des expressionnistes allemands, il est interrogé, quand il a avoué, quand on a découvert tout son système, on lui a dit « mais maintenant vous devriez être content, vous êtes célèbre ». Je suis célèbre, mais ce qui est beaucoup plus excitant, c'est la poussée d'adrénaline quand on réussit à faire quelque chose. Et qu'on éblouit les... Éblouir le public, ça c'est une chose, voilà. Mais duper l'expert, c'est autre chose. C'est vrai que Beltracchi, c'est, on va dire, une affaire à sensation. Qu'est-ce qui s'était passé? Comment avaient-ils construit leur projet de créer des faux? Ça s'est passé tout doucement. Quand il était dans les années 60, quand il était hippie, il a commencé à améliorer des tableaux hollandais en mettant des petits personnages sur la patinoire, en personnalisant un peu les tableaux. Et puis petit à petit, il a commencé à copier des expressionnistes allemands qu'on connaît pas beaucoup. On les appelle les expressionnistes rhénans, Campendonk par exemple, mais qui sont très connus en Allemagne. Et petit à petit, il s'est lancé et il s'est imprégné à chaque fois de l'œuvre, c'est ça qui est intéressant, de l'œuvre d'un artiste. Il sait tout sur l'œuvre, il a lu tous les catalogues raisonnés, et surtout, il s'est mis à l'œuvre des techniques. Donc il connaît parfaitement les techniques, donc l'érudition, la technique, l'esthétique. Ils sont deux, parce que c'est vrai que c'est un couple. Oui, ils sont en couple. Alors, il est extrêmement aimable avec sa femme, mais je vous dire qu'elle n'a pas quand même fait grand-chose. Elle sert plutôt d'intermédiaire dans les contacts avec les futurs clients. Mais c'est un couple très sympathique, avec des enfants. Donc, ils ont joué le jeu du couple. Un peu, d'ailleurs, je dois dire, pour se déculpabiliser lui-même. En tout cas, bref, c'est effectivement un couple. Et il nous raconte avec beaucoup de brio, beaucoup d'amusement, toute sa vie. Et beaucoup d'émotions. Je raccrochais le téléphone. Les petits poils de mes avant-bras étaient hérissés. Je sentis sur mes joues les picotements de chaleur qui feraient apparaître des plaques rouges et révéleraient mon excitation à Lynn. Mon pouls avait accéléré, mes mains étaient moites. L'extase. Avoir créé une chose hors du commun. Effectuer une approche particulière. Dépasser une œuvre existante et créer de nouveaux tableaux dont les connaisseurs trouvaient même parfois qu'ils étaient parmi les plus beaux et les meilleurs du maître en question. Voilà mon rapport à l'art. Quand on disait que j'avais créé le plus beau Molzan, le plus beau Campendonk, la plus belle forêt de Max Ernst, alors la confirmation d'avoir touché dans l'œuvre de l'artiste le moment où le monde de l'art le considère, du point de vue actuel, comme le plus génial, me rendait heureux. Nathalie Canoui qui nous lisait un extrait du témoignage d'Hélène et Wolfgang Beltracchi, faussaire de génie, qui est publié très récemment à l'Arche. Vraiment, il y a ici, dans cette narration, l'émotion de Dupé. Mais dites-nous, Jean-Louis Guillemin, dans la démarche du faussaire, il y a le moment de la réalisation de l'œuvre. C'est exceptionnel. Mais nous sentons que ce n'est qu'un petit moment dans un tout. Il y a cette connaissance de l'histoire de l'art, vous l'avez dit, également du marché. Il faut connaître ce qu'attendent les experts, tout simplement. Oui, bien sûr, on va. Alors lui, quand même, comme on lui a pas reproché, mais on dit qu'il souvent il s'attaquait à de second couteau. C'est-à-dire que quand vous attaquez à des grands maîtres, ça devient très compliqué parce que vous avez des comités, vous avez de grands experts dans le monde entier. Donc Max Ernst, c'est presque une exception pour lui. C'est un immense artiste. Mais il est tellement fasciné par Max Ernst qu'il va faire des Max Ernst plus beaux que les Max Ernst. Et j'ai eu l'occasion d'analyser, par exemple, sa fameuse une horde qu'il a peint. Une horde, les hordes de Max Ernst, comme les forêts, proviennent de ses hallucinations sur les nervures du bois. Donc, c'est à l'origine, c'est un tableau très surréaliste d'images qui vont se composer, qui vont se développer. Et là, il va donc nous faire une horde, c'est-à-dire des hordes sauvages qui sortent d'une sorte de magma, et il va en faire un tableau tellement charnel, tellement bien travaillé du point de vue du modelage, qu'il va complètement échapper à l'esthétique de Max Ernst. Max Ernst suit simplement des images qui se composent, on est à l'époque du surréalisme, le réalisme ne l'intéresse absolument pas. Et Beltracchi va donc faire, si je puis dire, un Max Ernst hyper réaliste, qui va tellement séduire, parce qu'il y a des gros, il y a un beau fessier au premier plan d'une des créatures, que Christie's, pour sa vente il y a une dizaine d'années, va mettre comme œuvre de comparaison dans le catalogue un Rubens. Un enlèvement d'une femme voluptueuse de Rubens. À l'époque, ça a parfaitement fonctionné. Quand on connaît l'histoire et qu'on revient sur cette présentation, on est tordu de rire. Mais évidemment, à l'époque, ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait très bien. Et c'est vrai que cette histoire du faussaire n'est pas une histoire qui est uniquement liée à l'argent, au marché de l'art et au commerce. C'est en cela qu'elle est fascinante. Charlotte Guichard, justement, cet attrait pour l'artiste en tant que tel, donc qui entre dans un marché de l'art, s'inscrit, c'est ce que vous avez étudié, par la signature. Qu'est-ce que cette griffe du peintre ? Alors, dans mon livre, ce que j'ai essayé de comprendre, c'est l'émergence d'un désir nouveau, d'un désir pour un tableau qui serait autographe, qui emporte avec lui, si vous voulez, la main et la présence du peintre. À partir du 18e et puis ensuite, alors au 19e et au 20e siècle, ça se déploie complètement. Les amateurs, les spectateurs de peinture veulent voir des pièces autographes. Et ce désir de l'autographie, il est nouveau. Autrefois, on se satisfaisait, comme nous le disions tout à l'heure, de pièces qui pouvaient être réclamées par un auteur, mais qui avaient été réalisées dans un atelier. À partir du XVIIIe siècle, et le terme de griffe, je l'ai emprunté à Diderot, qui parle de Chardin, le peintre Chardin, dans le salon de 1769, il parle de la manière dont que Chardin avait de signer son nom, et la manière dont, en fait, la manière que Chardin avait de mettre son corps, sa main elle-même, dans la peinture. Et donc c'est cette fascination pour la main, pour la présence en réalité de l'artiste dans l'œuvre elle-même, qui va véritablement modifier la conception que nous avons de l'authenticité et réciproquement donc du faux. Donc c'est vraiment ce mouvement-là vers l'empreinte par la main de l'artiste dans son œuvre, c'est ce mouvement-là qui va véritablement, je pense, marquer une modification dans le regard que l'on pose sur l'œuvre d'art. Et pour tous ceux qui s'intéressent à la peinture et qui chinent, qui savent très bien qu'un tableau non signé, un tableau signé, ce n'est pas du tout la même chose, d'où l'importance de la signature en peinture. Eh bien, il y a des quantités de problèmes extrêmement complexes, nous essayons d'en voir certains. Voici un tableau de Corot, le fameux Château Saint-Ange, qui est un tableau dont on connaît les circonstances dans lesquelles Corot l'a fait. Et il était accompagné d'un de ses amis, qui était un bon peintre, Caruel d'Aligny. Et les deux tableaux, celui-ci et le suivant, que vous allez voir, représentent l'un et l'autre le Château Saint-Ange, vu de points légèrement différents. Bien, c'est une belle image, et vraiment un très beau tableau. Ce tableau est signé aussi Corot. Mais Robot, qui était l'ami de Corot et qui a fait le catalogue des œuvres de Corot, a déjà signalé ce tableau comme un faux. En réalité, il ne s'agit pas d'un faux véritablement, il s'agit d'un tableau de Carvel d'Aligny qui a été signé ensuite Corot. Est-ce qu'il a été signé Corot par Corot lui-même, ce qui est arrivé, paraît-il, par amour pour certains de ses camarades? En tous les cas, il existe par le monde de très nombreux Corot et l'étude des signatures de Corot est un des problèmes passionnant que pose actuellement le marché de l'œuvre d'art. Madeleine Ours, conservatrice de musée, historienne de l'art, spécialiste de la restauration de tableaux, qui évoquait Corot en 1963. Charlotte Guichard, nous voyons ici l'importance de la signature. Alors les signatures rouges de Corot sont complètement identifiées, mais effectivement la signature devient une marque. En fait, le tableau, dès lors qu'il est identifié à un peintre, prend une valeur évidente. Oui, c'est-à-dire que la signature, en fait, elle est à la fois un nom et elle est une trace. Donc elle est à la fois un nom qui renvoie à la marque de l'artiste, à sa valeur également sur le marché, mais aussi à sa valeur esthétique. Et puis elle est aussi une trace, elle est la trace de la présence de l'artiste. En fait, la signature, elle renvoie au corps de l'artiste. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de fétichisation, hein, on pourrait dire, de la signature. Et ce sur quoi vont jouer les faussaires, bien sûr, c'est qu'ils vont reproduire le nom, mais sans que la signature reste la trace. Et c'est ça, c'est cette disjonction finalement entre le nom et la trace avec laquelle jouent les faussaires à partir du 18e et surtout du 19e et du 20e siècle lorsque la fascination pour l'autographe et la présence se déploie sur le marché de l'art et dans les musées également. Imiter une signature, ouf, nous savons tous le faire, nous avons tous été écoliers, mais c'est mal. Pourtant, Jean-Louis Guillemin, ça ne suffit pas pour être faussaire, nous l'entendons bien, la signature est une chose, mais le travail du faussaire est extrêmement complexe pour duper les experts, ne serait-ce que par la temporalité. Imiter un Vermeer, c'est compliqué parce que les matériaux ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Alors, en dehors des matériaux, il y a aussi la manière. Effectivement, quand on voit le dîner d'Emmaüs de Van Meegeren, le célèbre tableau qui a été présenté au musée de Rotterdam en 37, au moment du jubilé de la reine, on reste saisi. On n'arrive pas à comprendre une seconde comment ce tableau a-t-il pu être pris à l'époque pour un Vermeer. On a l'habitude de voir des petites jeunes filles qui font de la couture, qui tapotent sur un clavecin, des choses comme ça, un astronome devant sa map monde. Mais tout d'un coup, on voit des personnages théâtraux autour du Christ, les deux disciples, la servante et le Christ, qui n'a rien à voir avec l'iconographie classique de Vermeer. Et surtout aujourd'hui, quand on le voit, on se dit « mais c'est pas du 17e ». C'est du 20e. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était assez drôle. C'était au musée de Rotterdam, dans une salle du 20e siècle. J'avais lu un article sur la fameuse histoire. Il dit « Ah, le voilà, le fameux Van Meegeren ». Donc aujourd'hui, on ne comprend pas. Mais à l'époque, ça a très bien marché. Pourquoi ? Pour un ensemble de raisons qui font que tout d'un coup, la pilule va passer. La première raison, c'est que on cherchait absolument à trouver des Vermeers caravagesques, des Vermeers plus nobles, des Vermeers plus grands artistes que le simple peintre de genre. Ensuite, on avait donc envie de ça, et il l'a réalisé, sachant exactement ce que le grand spécialiste voulait. Donc il l'a réalisé, et alors aujourd'hui on se dit, mais comment... Alors, les historiens d'art le voulaient, les politiciens étaient ravis, parce que c'était un nouveau grand peintre à une époque où les rivalités entre les pays en Europe commençaient à chauffer. Le peuple a été enchanté, c'était la queue dès le lendemain pour visiter le tableau. Et alors il y a un dernier élément qui fait comprendre à la fois notre stupéfaction aujourd'hui, parce qu'on ne comprend pas comment ça a pu marcher. Eh bien quand on regarde, quand on isole les personnages du tableau, on s'aperçoit que ce sont des portraits, comme on appelait à l'époque, réalistes magiques, c'est-à-dire des tableaux réalistes, un peu comme des icônes. On retrouve en France, par exemple, Balthus, ça fait des tableaux un peu dans ce genre-là. Et en Italie aussi, beaucoup de réalisme magique, en Allemagne. Donc, quand on a l'esthétique de l'époque, en plus, si vous voulez, la dernière marque qui a fait que ça a fonctionné, c'est que c'était manifestement un tableau d'époque. ce qui aujourd'hui nous rend complètement incrédules, mais qui à l'époque était le signe que ça fonctionnait. Et justement, c'est la question d'Anthrobo pour être vrai, votre ouvrage, qui revient sans cesse. Et comment ça a fonctionné? Pourquoi ça a fonctionné? Demandons à un témoin, direction 1948, avec le conservateur du Musée Royal de Hollande. Alors, d'abord, je dois dire que la mise en vente de ce tableau a été faite d'un raffinement extraordinaire. C'était en automne 1937 qu'un intermédiaire a présenté au Rijksmuseum une photo sur laquelle étaient représentés les disciples d'Emmaüs. C'était un tableau qu'on attribuait à l'époque à la jeunesse du célèbre peintre de Delphes, Vermeer, n'est-ce pas? Oui, il y avait des différences d'opinion sur les dates, mais à ce moment-là, il n'y avait pour ainsi dire pas de doute sur l'authenticité. Alors là, il y a à la base un problème qui est assez difficile à expliquer. Mais je crois qu'il faut admettre que l'histoire de l'art n'est pas une science, que l'histoire de l'art présuppose aussi l'amour de l'art. Et tous ceux qui sont sensibles à l'art subissent son charme, mais tous ceux qui subissent des charmes de quelqu'une ou bien d'une œuvre d'art, ne peuvent à ce moment-là pas sonder ni la profondeur, ni déterminer la longueur, ni dire quelle durée aura ce charme-là. Eh bien, c'est une bonne analyse du conservateur du Musée Royal de Hollande à propos des pèlerins d'Emmaüs, donc un faux Vermeer. Témoignage de 1948, donc 3 ans après la réalisation du tableau. Et dans l'analyse, il y a ce mot qui revient, c'est le mage. C'est peut-être ça aussi qui explique que cela fonctionne, Jean-Louis Gaïmin. Mais c'était après la découverte, j'imagine. C'est ça, oui. Oui, c'est-à-dire que ce tableau serait toujours accroché, à mon avis, je pense, dans les salles de la peinture de l'âge d'or, s'il n'avait pas été découvert par des soldats américains dans une mine de sel de Salzbourg, où Göring avait rassemblé tous ses trésors, toutes ses collections. Donc c'est très souvent à l'occasion d'un hasard que les tableaux sont découverts. Donc on a remonté à l'origine du tableau, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain peintre, Van Meegeren, qui l'avait vendu, et c'était le peloton d'exécution. Vendre à Göring le bombardier de Rotterdam, un trésor national, c'était donc le peloton d'exécution, sauf si M. Van Meegeren avouait. Et comme on ne l'a pas cru, il a été obligé d'en réaliser un de plus sous la protection de la police. Et il est devenu un héros national. Ce qui est rien dans l'histoire de l'art, en vérité, de se dire il y a eu un homme qui a fait un faux tableau. Pourtant, Charlotte Guichard, c'est essentiel pour l'historienne que vous êtes. C'est faux, car il montre l'intérêt porté à un moment donné sur un artiste en particulier. Oui, c'est vrai que c'est le surgissement du faussaire et des affaires de faussaire. Nous parle de désir de voir réaliser par un artiste, par exemple ici Vermeer, des peintures religieuses. Et donc le faussaire, en fait, met en exergue, met en valeur des désirs, des attentes qui émergent à la fois du côté des historiens et des historiennes de l'art, mais aussi de ceux qui achètent ces peintures. Donc oui. L'histoire du faux et des faussaires est une sorte de miroir inversé, hein, de cette histoire de l'art qui est elle-même arrimée à de grands noms d'artistes. Et donc on voit surgir ainsi, à partir du 19e siècle, la seconde moitié du 19e siècle, ces grandes figures de faussaires dans l'histoire de l'art. Et puis le faussaire n'est pas uniquement un homme ou une femme qui peint, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui connaît l'histoire de l'art, c'est quelqu'un qui connaît le marché de l'art. Nous avons évoqué, avec le cas des pèlerins d'Emmaüs, cette ambiance du moment. Jean-Louis Gaïmin, il y a ça aussi. Le faussaire doit être vraiment dans son temps pour faire passer ce qu'il veut faire passer. Il faut qu'il connaisse les attentes, on l'a dit des experts, mais les attentes du public, tout simplement. Oui, et parfois, on arrive d'ailleurs à des anecdotes assez savoureuses. Au XVIIIe siècle, à Rome, on redécouvre... Enfin, on avait découvert déjà depuis la Renaissance des peintures antiques, et puis on découvre les peintures d'Herculanum et ensuite de Pompéi. Donc il y a une sorte de folie qui s'empare de ce fait, on se dit, mon Dieu, comme le roi de Naples n'avait aucune envie de donner, de vendre, il voulait tout garder pour lui, il interdisait même qu'on aille dans les champs de fouilles, la peinture d'Herculanum, un fragment de peinture d'Herculanum est devenu une chose colossale. Et donc un faussaire s'est installé à Rome avec la complicité du collège des jésuites pour faire des faux extraits de fresques romaines. Ça a très très bien fonctionné jusqu'au jour, évidemment, il s'est fait prendre pour des raisons très précises. Ces peintures étaient trop belles par rapport à celles de Herculanum. Et dans cet esprit, il y a un peintre néoclassique donc, qui aimait beaucoup ce genre de peinture, qui était un ami de Winckelmann, le célèbre historien d'art, enfin celui qu'on a appelé l'inventeur de l'histoire de l'art. Winckelmann avait un faible pour les beaux garçons. Et comme il s'était un peu... il avait un peu discuté avec Mengs. Mengs pensait que les peintures anciennes étaient à la détrempe et Winckelmann pensait que c'était à l'encaustique ou l'inverse, j'ai un peu oublié, je dois dire. Mengs en a profité pour faire une fausse peinture antique dans son esprit à lui pour que Winckelmann craque. Et évidemment, il lui a fait un Jupiter embrassant Ganymède, ce qui ne correspondait à aucune iconographie antique, mais c'était tellement beau que Winckelmann a craqué et l'a mis dans son histoire de l'art. Voilà, et donc comme ça, le faussaire a contribué à modifier un petit peu l'histoire de l'art. Mais nous parlons des faussaires. Sachez que parfois, et c'est ça qui est formidable, l'artiste lui-même se fait faussaire. Eh bien, je prends par exemple l'histoire d'un peintre très célèbre qui s'appelle Monsieur Van Dongen. Et Monsieur Van Dongen, en 1950, a constaté que les Van Dongen de la période fausse, c'est-à-dire de 1903 à 1907, se vendaient très très bien. Et la période 50 ne se vendait pas très bien. Et son marchand, tout le monde le harcelait. Alors Monsieur Van Dongen s'est mis à faire du fauvisme en 1950. Mais l'erreur qu'il a commise, c'est qu'il mettait l'année. Il mettait 1903 à 1905. Alors il y a eu un procès. Et Monsieur Van Dongen a perdu son procès, étant donné que... il faisait du faux vrai, du vrai faux. Il faisait du Van Dongen, mais pas la période concernée. Quand, par exemple, vous arriviez chez M. Van Dongen avec un faux, il vous disait « Oh, malheur, c'est terrible, vous avez un faux tableau, mais enfin, vous savez, je ne suis pas un homme à histoire. Tenez, regarde dans mon atelier, emportez ce que vous voulez. » Il vous gardait le fauve qui était vrai. Et puis, quelques semaines après, voire quelques mois après, le tableau était revendu à des sommes faramineuses à l'étranger. Alors voilà un cas précis. Un autre cas précis, M. Vlaminck se promenait dans la rue, il voyait des œuvres qui pensait-il discréditer son œuvre parce que chaque artiste n'est pas toujours meilleur de sa forme. Il disait « ce tableau est un faux ». Monsieur Vlaminck a eu tellement de procès qu'à la fin, il n'avait plus l'autorisation de donner son avis. On s'en remettait à des tiers parce que ces gens-là étaient de mauvaise foi. Donc même parfois, il arrive que les artistes soient de mauvaise foi. Voilà, grand artiste, mais oui, de mauvaise foi. C'était Fernand Legros, un marchand d'art qui s'exprimait dans les Nuits Magnétiques sur France Culture en 1980. Et il y a un aspect à étudier systématiquement quand il est question d'art. Derrière l'artiste perdu dans sa création, le génie, il y a aussi l'homme qu'il faut insérer dans la société. Charlotte Guichard, le marché est essentiel et nous le voyons bien ici avec des grands artistes comme Vlaminck. Il y a une histoire sociale à faire de cette griffe du peintre. Oui, tout à fait. En fait, la griffe, la signature de l'artiste, elle se retrouve sur les toiles à partir du moment où l'artiste comprend qu'il y a un désir chez les acheteurs potentiels. Et donc, il le comprend, il va apposer sa griffe. Il va aussi le faire parce qu'à partir, en gros, du 18e et du 19e siècle, les peintures commencent à circuler de plus en plus. Auparavant, elles restaient dans les collections, elles circulaient un petit peu, mais elles circulaient peu. Avec le développement des ventes aux enchères, donc d'un marché secondaire des tableaux, les tableaux commencent à circuler beaucoup et la provenance se perd. Et du coup, l'artiste qui comprend très vite et toujours bien avant en fait les marchands et les acheteurs, hein, les artistes comme Chardin dont je parlais tout à l'heure par exemple, mais aussi comme François Boucher au XVIIIe siècle, vont apposer leur nom pour garantir en quelque sorte l'authenticité de leur tableau. Et donc le marché de l'art a bien sûr un rôle essentiel dans le développement des signatures et bien sûr ensuite des fausses signatures. Jean-Louis Gaillemin, il y a une forte demande pour les tableaux d'artistes, d'où une nécessité pour les faussaires de, bah, d'assouvir la demande, tout simplement. Quand la demande est trop forte, la demande correspond donc évidemment à un désir. Et un cas assez drôle qui correspond tout à fait à ça n'est pas dans le domaine de la peinture, mais je dirais dans le domaine de l'objet. Les fameux sièges vendus pour plusieurs millions au château de Versailles. À l'époque, il y a une dizaine d'années, donc Versailles était quasiment le seul à avoir de l'argent pour acheter des meubles et des sièges importants, parce que la mode du XVIIIe siècle commençait à baisser chez les collectionneurs, mais ils avaient beaucoup d'argent, et en plus, la loi Iagon permettait à de grandes firmes d'aider aux achats, à notre détriment, évidemment. Mais en tout cas, donc, Versailles était un client potentiel, et Versailles toujours avait hésité entre la copie et l'authentique. Mais évidemment, l'authentique était tellement apprécié qu'on le cherchait. Il y avait une conservatrice de Versailles qui avait dit « Nous sommes à l'affût. Les ventes, le marché, nous sommes à l'affût. » Quand on est à l'affût dans des buissons, il suffit que ça bouge quelque part pour qu'on tire. En quelque sorte, Versailles, donc, employait des artisans pour faire un certain nombre de copies, quand on ne pouvait pas avoir tous les meubles authentiques, et un faussaire remarquablement intelligent, expert, historien, expert auprès des tribunaux, antiquaire, Bill Palot pour ne pas le nommer, s'est dit, bah, on va leur offrir ce qu'ils cherchent. On va leur offrir des sièges ou les jupons de Marie-Antoinette, qu'ont pu frôler les jupons de Marie-Antoinette. On va leur trouver des sièges qui étaient à tel endroit, surtout la fameuse méridienne de Marie-Antoinette, qui est le saint des saints des adorateurs de Marie-Antoinette. Et on va demander pour les réaliser, on va demander à un artisan qui travaille déjà pour le château. Donc ça, c'était extraordinaire. Il n'y avait aucun moyen de ne pas y croire, comme ont dit les conservateurs. Et ils y ont tellement cru qu'ils n'ont même pas regardé les sièges. Donc ça a fonctionné. Et les fameuses deux chaises à 4 millions du pavillon du Belvédère, finalement, Versailles ne l'a pas acheté parce que c'était un peu trop, mais l'avait couronné, si je puis dire, trésor national. Ce qui fait qu'ensuite, ça a été proposé à de grands collectionneurs jusqu'au moment où on a mis tout ça en doute. Sacré roublard, hein, ces faussaires. Mais ils ont bien raison parce que nous les aimons, ils nous fascinent, surtout quand ils s'appellent Arsène Lupin. Et voilà, comme Stéphane. Regardez. Oh, vous permettez, laissez-moi comparer. Regardez, ce résultat est fantastique. Oh, Gabriella, laissez-moi vous le dire, c'est de la véritable magie. Eh bien, mon cher comte, vous avez menti. C'est absolument extraordinaire. N'est-ce pas Pardon. Oui, bien sûr, Sir Alexandre. Oui. Oh, c'est inouï. Oh, c'est inouï, me voilà incapable de faire la différence entre ces deux tableaux. Oh, j'en suis ébahi. Voyons, où sont les vrais et où sont les faux? Moi, j'avoue que je m'y perds. C'est grâce à vous tout cela, comte Stéphane. Vous exagérez, Gabriella. Gabriella, vous qui êtes l'auteur de ce prodige, tenez, regardez, voilà l'original et voilà la copie. Je renonce à les distinguer. Oui, Stéphane, c'est votre présence de tous les instants qui m'a inspiré. Gabriella, qu'est-ce que vous me dites là? Oh, pardon. Qu'est-ce que ça vous résume? Moi aussi, j'ai éprouvé un grand bonheur. Vous regardez cette façon de tenir votre pinceau. Georges Descrières sublime Arsène Lupin dans la série télévisée dans les années 1970. Georges Guillemin, le faussaire fascine. Ah, le faussaire fascine. D'ailleurs, on parle toujours de faussaire de génie. Il faut dire que s'il n'avait pas de génie, ça ne marcherait pas. Donc le faussaire fascine et le faussaire est un peu comme Till l'espiègle. Hein. C'est le voyou qui va se moquer du roi, du prince, et qui, une fois ses forfaits accomplis, va continuer ses promenades. Donc Till l'espiègle fait croire à un prince allemand qu'il est un grand peintre. Le prince allemand lui dit « Allez-y, faites-moi le décor de ma grande salle ». Il interdit l'entrée pendant un mois. Au bout d'un mois, le prince arrive quand même à entrer et lui dit « Écoutez, ce que j'ai fait ne peut être visible que par les héritiers légitimes ». Comme le prince ne voit rien, il se dit « mon Dieu, serais-je un bâtard ?» Et il ne veut évidemment pas montrer qu'il ne voit rien. Et c'est seulement la folle de la princesse, comme il y a les fous du roi, la folle de la princesse, qui veut dire « je veux bien être pris pour une bâtarde, mais je ne vois strictement rien ». C'est ça qui nous plaît dans ces histoires de faussaires, et il y a presque une sympathie du public pour les faussaires, tellement ils sont forts. Charlotte Guichard, dans cette étude que vous avez pu mener hein, sur cette notion d'authenticité, eh bien, à côté de l'histoire des faussaires, il y a cette histoire de la recherche de l'authenticité. Il y a une organisation qui se met en place, un savoir. Comment identifier une œuvre vraie? Oui, en fait, si on est autant fasciné hein, par ces figures de faussaires, c'est parce qu'ils mettent en cause aussi les experts et les savoirs de l'authenticité. Et ils montrent aussi que la position d'autorité hein, que se construisent bien souvent les experts, eh bien, elle repose largement aussi sur des mécanismes de croyance. Et ça, c'est vraiment un des grands plaisirs hein, que l'on a lorsqu'on parcourt ces histoires de faux et de faussaires. Mais c'est vrai que que l'authenticité a une histoire et que les technologies, les techniques pour attester du vrai et du faux en art se sont développées. Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que on n'a pas de technologie à notre disposition pour attester qu'une œuvre est authentique. Les experts peuvent seulement se prononcer sur le fait qu'une œuvre peut être inauthentique, fausse. On ne pourra jamais dire d'un tableau « celui-ci est un vrai, Caravage si l'on se base uniquement sur une étude visuelle, qu'elle soit l'œil du connaisseur, hein, mais ensuite, plus récemment, toutes les techniques infrarouges, de scanner, etc. On peut simplement, par le regard, par ces techniques visuelles, identifier des falsifications. Et ces falsifications, eh bien, on arrive à les cerner de plus en plus près, mais on ne pourra jamais dire, ce tableau est un vrai tableau. Pour se prononcer sur l'authenticité, il faut mobiliser des histoires aussi de provenance, toute une série d'indices qui permettent d'attester de l'authenticité. Et c'est pour ça que cette histoire de l'authentique et des faussaires, elle est aussi intéressante, c'est parce qu'elle met en relief les savoirs du regard et les savoirs de l'expertise, et qu'elle montre qu'en fait, ceux-ci sont aussi bien fragiles face aux duperies et aux entreprises les plus récentes des faussaires qui connaissent parfaitement les matériaux utilisés dans le passé, qui savent les reproduire, qui connaissent parfaitement la manière des peintres et qui savent aussi parfaitement les attentes des acheteurs. Je crois que par exemple Beltracchi reconstituait de fausses provenances. Donc voilà, tous ces indices, on peut pas. L'authenticité repose sur un faisceau d'indices en réalité. Et ces indices viennent de savoirs extrêmement différents qu'il faut mettre en œuvre et qui expliquent qu'il y a toujours des polémiques et des débats, même parfois sur des œuvres anciennes et largement acceptées. Je pense par exemple à l'homme au casque d'or de Rembrandt, qui a été exposé longtemps à la Gemälde de Galerie de Berlin comme un authentique Rembrandt et qui a été désattribué il y a quelque temps, relativement récemment, parce que justement on avait pu appliquer des techniques plus récentes qui permettaient de dire que voilà, ça, on n'était pas là devant un authentique Rembrandt, un Rembrandt autographe. Nous allons cesser de dire du bien des faussaires et de leur génie. Il est grand temps dans le cours de l'histoire sur France Culture de faire intervenir la police. Sous le titre « Le faux dans l'art et dans l'histoire », la police a réuni dans une exposition les plus sensationnelles œuvres de faussaires connues à ce jour. À côté des faux Utrillo, on y trouve une pièce fameuse, le faux Vermeer de Van Magoren, acheté 100 millions par Göring. Mais la Joconde détient le record du plagiat avec une soixantaine d'imitations. Autre pièce de choix, la tiare de Saïd Afarnès, attribuée par d'illustres savants à un roi de l'Antiquité et qui fut ciselée il y a une cinquantaine d'années. L'omoplate de Samson n'est qu'un os de baleine. Ces faux documents ont envoyé le capitaine Dreyfus au bagne. Et le croirait-on, un homme fut brûlé vif au XVIIe siècle à cause de ce pacte soi-disant signé par le diable. Le Salon international des faux présenté dans les actualités françaises en 1955. Jean-Louis Gaïman, parfois le faux vaut plus cher que le vrai. le faux vaut plus cher que le vrai à un moment où... Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect nouveau, l'aspect inattendu, l'aspect exceptionnel du faux. Ce côté exceptionnel qui va nous faire rire 20 ans plus tard, mais qui sur le moment, effectivement, surtout quand il correspond à une demande importante. Mais même si l'on sait que c'est un faux, certains faussaires sont devenus des artistes qui peuvent être recherchés. Ah oui, alors effectivement, ça c'est assez cocasse. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais de la Horde de Beltracchi. Eh bien, une étudiante de l'École des Beaux-Arts de Hanovre s'est amusée dans un concours à faire une fausse Horde de Beltracchi. Et Beltracchi est venu pour lui remettre le prix qu'elle avait gagné. Donc il y a un côté... Et Van Meegeren, d'ailleurs, Van Meegeren, après sa mort, il y aura des faux Van Meegeren. Ils seront faits par qui? Par son fils, qui était le seul à avoir découvert que le dîner d'Emmaüs était de son papa. Je reconnais votre frère, papa. Et donc, il a continué à en faire. Et la veuve de Van Meegeren, elle se présentait comme expert pour distinguer les vrais et les faux Van Meegeren. C'est une mise en abîme qui nous sidère, parce que bien sûr ces faux, nous l'avons dit, ont fasciné les experts à un moment donné, le public, et aujourd'hui encore il y a quelque chose de très profond avec tous ces faux. Charlotte Guichard, quel regard portez-vous sur les faux dans l'histoire de l'art? Ils sont des jalons essentiels? Ils sont un des jalons de cette histoire de l'art, mais surtout la raison pour laquelle je pense qu'ils sont intéressants, c'est que ils montrent en fait le pouvoir de l'artiste. Avec tous les exemples qu'on évoquait, ces artistes qui jouent avec le faux, qui en ont conscience, ces artistes qui authentifient leurs propres œuvres, qui parfois authentifient des faux qui sont signés par eux-mêmes. Je pense aussi à Courbet, par exemple, qui signait de faux Courbet. Ce qui est passionnant dans cette histoire de l'authentique et dans cette construction aussi historique de l'authenticité, hein, on veut vraiment, on recherche la pièce unique, autographe, etc., c'est que les artistes toujours jouent avec cette attente, avec ce désir, et qu'ils le font avec à la fois beaucoup d'humour et une conscience aiguë du marché. Et c'est ça qui est toujours que je trouve particulièrement intéressant, c'est que on retrouve là la capacité des artistes à inventer, à déjouer les attentes, à y répondre. Et c'est en cela que cette histoire de l'authenticité, des ambivalences du vrai et du faux en histoire et de l'art est intéressante, c'est qu'elle remet au centre aussi la figure de l'artiste qui est tout de même acteur de tout cela et on l'apprend parfois à nos dépens. Et nous, spectateurs, nous prenons plaisir aussi à découvrir toutes ces histoires. Merci beaucoup Charlotte Guichard. Je rappelle La griffe du peintre, la valeur de l'art 1730-1820. Et puis vous avez dirigé donc De l'authenticité, une histoire des valeurs de l'art. Et merci aussi Jean-Louis Guillemin, Trop beau pour être vrai, le faux dans l'art, de la tiare du Louvre au Chaise de Versailles. C'était authentiquement passionnant. Il est temps maintenant de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, une enfance, oui, une enfance métisse en Indochine française. Alors que les commentaires sur le rapport de Benjamin Stora sur les mémoires franco-algériennes se multiplient, un autre après-guerre coloniale s'écrit. Celui des enfants métis d'Indochine française, arrachés à leur famille pour être élevés en France. Des enfants métis en Indochine, il en est dès les premiers jours de la présence française au XIXe siècle. Ils sont issus de relations plus ou moins passagères et plus ou moins tarifées, avec un nombre de naissances accru pendant la guerre de décolonisation entre 1946 et 1954. Les autorités françaises s'emparent de la question du sort de ces enfants dès 1928, en les considérant présumés français. Une histoire racontée par ces enfants, rarement reconnus par des pères souvent militaires, aujourd'hui devenus adultes, dans le film de Philippe Rostand, Inconnu, présumé français. Et donc ce qu'on appelle un inconnu, un enfant d'un père inconnu français, parce que ça, c'est sur tous les documents, les papiers officiels de ces gens, ils ont ce terme-là. Et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'on dit aussi qu'ils sont de race française. C'est quand même des choses assez étonnantes. Mais que faire de ces enfants nés de la rencontre coloniale, pas vraiment désirés, mais qui pourraient devenir les ambassadeurs de la perpétuation du lien colonial? L'historien Yves Denecher, dans un article de la revue en ligne The Conversation, ouvre le champ de ses recherches sur le traitement et ses conséquences appliquées à ces enfants eurasiens. Dans les années 40, c'est un dispositif brutal qui s'instaure pour s'assurer qu'il soit élevé exclusivement dans un milieu favorable aux intérêts de l'Empire et donc favorable à leur assimilation. La Fédération de l'œuvre de l'enfance française en Indochine, la FUEFI, est chargée de prendre en charge leur éducation sur le sol français. Cette transplantation de population se fait après s'être assurée de la limitation drastique des droits de leur mère, qui signe un certificat de décharge et en séparant systématiquement les fratries. Les liens familiaux, déjà difficiles à maintenir à si grande distance, sont effacés jusqu'à disparaître et les enfants sont formés à devenir des Français selon une norme traditionnelle certifiée par une politique paternaliste qui prolonge le pouvoir colonial sur les corps et les vies, au-delà même de la survivance de la colonie abandonnée après la défaite de Dien Bien Phu au Vietnam en 1954. Mais ce dispositif d'appropriation des enfants au profit d'une assimilation forcée n'est cependant pas une exclusivité du contexte colonial. Une organisation similaire était inventée dans les années 30 en France, alors que sévissait la tuberculose dans les villes métropolitaines, avec l'objectif déclaré de soustraire les enfants des quartiers urbains défavorisés à leur milieu jugé toxique. Installés à la campagne, les garçons et les filles étaient éduqués, formés et encouragés à se marier sur place, tandis que le discours de culpabilisation répété s'appliquait à décourager les familles de les reprendre. Les petits Parisiens devaient être sauvés de leurs parents jugés indignes d'élever des citoyens sains de corps et d'esprit. Une rupture qui ne s'encombrait pas des ravages engendrés par l'arrachement familial qui se répète au sein des empires coloniaux. Yves Dénécher rappelle que des pratiques très proches de l'expérience française se retrouvent en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, dans les pensionnats réservés aux enfants autochtones. En France, un rapport de 2018 a établi des pratiques similaires qui ont touché plus de 2000 enfants réunionnais des années 60 aux années 80. Une histoire mondiale de la domination sur les liens les plus intimes qui commence à s'écrire à partir de l'expérience des enfants nés de la relation coloniale. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Marie Placet avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Mège. Merci à Marion Dupont, Toscane Viuda, Odile Jouessel, Valentine Lovrins et Maïwenn Guizhou pour ces émissions à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, les mythes nationaux sont-ils des tissus de mensonges ?